Message 3. Allô, Sophie? Pour aller à pied à la piscine, tourne à gauche à la mairie. C'est à gauche. Bisous.